La 25e, on est là, on est dans les studios. Bab to Black est arrivé. Il y a Rizzo, il y a Jones. Vous inquiétez pas, on est là. Restez branchés sur radiosud.net 101.8. On est dans les studios, restez branchés. Vous pouvez commencer à mettre du volume. Bab to Black est arrivé, Jones est arrivé, Rizzo en deuxième heure. On arrive. Radio Sud, on arrive, on prend la possession des ondes ce soir, la 25e, 22h minuit. Comme tous les jeudis, on est là. Il fait très chaud dans les studios encore depuis deux semaines ou trois. On est en. 1, 2, 3, ça va. Il y a un cortège dans le studio. Peut-être qu'il y a un cortège qui va rentrer, on sait pas, tu vois. Ouais, c'est possible. Là, je suis descendu en balle de rue de Dole, là. J'ai vu rien que des keufs qui étaient derrière des voitures. Ils étaient à fond, des grands cortèges en plus. Bon, bref. Ah, ils sont chauds, hein. Donc là, c'est qui joue, là, Madagascar Frère, c'est la canne, gros. Madagascar-Tunisie. Tunisie, ok. Eh ben, un petit message à tous nos amis africains. Calmez-vous. Angola, ils ont fait quoi? Non, unissez-vous. C'est ça le message à nos frères africains. Unissez-vous. Je suis désolé. Donc aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, dans la 25e, c'est Bab to Black qu'on retrouve et qu'on invite. Merci, donc, les gars. Avec plaisir, d'ailleurs. Et puis, en deuxième heure, on aura Rizzo qui sera là pour un débat autour des sites de rap. Enfin, voilà, on verra ça après. J'explique pour les auditeurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent de tomber par hasard. Donc, c'est Chao et Jones, c'est la 25e. Promotion de la culture urbaine. Donc là, depuis février, tous les jeudis, on a un artiste invité en première heure. Donc c'est interview, on te découvre un peu sous toutes tes coutures, yes. On écoute tes sons et puis après on termine par un freestyle. Donc, vas-y, pas de soucis. Jounet, je te préviens d'avance, ce soir c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, au lieu de diffuser les sons de Bab to Black, il va nous les faire en live. Okay. Il va nous les faire en live, en fait. Acoustique. Donc le mec ne va jamais se reposer, en fait. Ouais, c'est pas le but, hein, les gars. Voilà. Moi, vous m'avez invité, j'ai taffé dur. Hein. Okay, ça, c'est dur. Donc là, il va rapper, là. Donc là, c'est bon, t'es parti. Non. Bah vas-y, c'est parti, là. Tu me fais un beat, Younes. Yeah. Non, vas-y. Ciao. Envoie-nous plutôt l'instru, car Younes, c'est pas trop son truc. Ouais, c'est pas trop ton truc, le beatbox. Allez, vas-y, on va envoyer direct. Mais gros, et puis vas-y, on envoie, gros. Non, attends. Parce que je peux introduire le son, gros, parce que le son... On pourrait. Mais moi, avant de t'envoyer direct, vas-y. J'aimerais que tu nous fasses le petit jingle. Donc, je t'explique. Aïe, le rituel de l'émission. Si tu as entendu, on a balancé un jingle. Ouais, je l'ai entendu vite fait au début. Ouais. Donc là, on va le rebalancer. Vas-y. Et après ça, on te propose de faire ton propre jingle. Donc, sachant qu'on est sur Radio Sud, ouais. 101.8, yes. radiosud.net. Après, tu fais ce que tu veux. Vas-y. Et on se servira de tes voix pour refaire des jingles en deuxième saison. Je vais essayer de kicker ça. Vas-y. Vas-y. Jonas, t'es prêt? Ouais, attends. J'écoute. Jonas? Là, ça sème. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jonas. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yes, il est pas mal. Vous voulez que je cite vos noms? Tu fais comme tu veux. Comme t'as envie. Vas-y, rebalance-le et puis après, c'est à toi. Ça coûtera pas plus cher. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jonas. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yes. J'ai un petit truc. On va tenter ça. On t'écoute. Vas-y. Et à sans prod, a cappella. Vas-y, encore mieux. Vas-y. Yeah. L'émission, la 25e, 101.8, tous les jeudis. Yeah. 22h, minuit. Tu sais quoi faire? Ciao, Younes. Pra. Younes. Bien joué. Et tu sais que ça fait deux fois. Hein. Que les gens rappent comme ça? Non, oui, il y a ça. Et ça fait deux fois qu'on t'appelle Younes. Ah, hein. Bah, ah merde, c'est pas Younes, c'est sérieux? Ah, c'est June. C'est D-J-U. Junes. Ah, je suis désolé, gros. Parce qu'en fait, on a fait les présentations il y a quelques minutes, quoi. C'est pour ça, tu vois, le temps que j'assimile tout ça. Pas grave, je vais m'appeler Younes alors. Mais tu peux le remixer, justement, de Younes, tu fais un Junes. Tu vois, un petit scratch. Allez, ça passe. Alors, Bab to Black, si là, je veux te retrouver sur les réseaux, ouais. Comment je fais? Ben, je vais sur Instagram, là, je tape quoi? Ben, bap.to.black. Okay. Voilà. Après, sur Facebook, c'est plus simple, c'est bap2black. Okay. Donc, sur Facebook, je sais que les gens, ils sont encore un peu old school, parce que Facebook, j'utilise pas trop ça. Okay. Je suis vraiment plus sur Instagram maintenant, j'essaye de m'adapter, tu vois. Yes. Et bref, bap2black, sur SoundCloud aussi. Okay. Parce qu'il y a quand même pas mal de puristes qui utilisent encore SoundCloud. Mm-hmm. Donc, je lâche beaucoup de projets depuis 5 ans sur SoundCloud. Ok. Donc, voilà, quoi. Les gars qui me suivent, ça fait 5 ans qu'ils voient un peu l'évolution, quoi. Donc, voilà. C'est Bap2Black aussi sur SoundCloud. Sur SoundCloud, okay. Ouais. Bap2Black. Yes. Il y a juste sur Instagram, il faut rajouter un point au lieu des espaces. Bap.to.black. Voilà. Ok. Chaîne YouTube? Ouais, ben pareil, Bap2Black aussi, okay. Sur YouTube. Je l'ai créé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai tourné un clip l'année dernière, là, du coup, sur Besançon. Okay. Clip 100% amateur qui a été fait par L'œil de Rousseau, c'est un photographe. D'accord. De Besançon, il s'appelle Johan Rousseau, c'est un gars qui est ici, il fait de la photo. Et on a discuté, il voulait faire son premier clip. Je lui ai dit, vas-y, c'est fait maison. Et voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, avec Bizal, je sais pas si tu as pu voir, j'ai sorti un clip qui est déjà un peu plus pro. Mm-hmm. Puis on va aller que. Crescendo. Voilà, crescendo, étape par étape. Et le clip est dispo nulle part, sauf si tu cherches un peu. C'est exactement ça. C'est un concept. Bah ouais, mais tu sais, il faut chercher un peu si t'as envie d'écouter quelque chose, là, non là, tu mets des trucs sur internet et tu dis aux gens, allez, trouver. Trouver. Bah, c'est déjà c'est là. Une énigme. C'est là. C'est une énigme. C'est là, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, Chao, il a sorti son projet, j'ai dû chercher pour le trouver, tu vois. J'ai cliqué sur un autre, et après j'ai kiffé. Une aiguille dans une botte de foin. Bah ouais, hashtag. Allez écouter le projet de Chao d'ailleurs, si c'est pas déjà fait. C'est pas de publicité, très très lourd. Très très lourd le projet. Il est dégoûté parce qu'on fait ma pub, du coup. Ben, c'est parce que c'est lourd, gros, c'est tout. C'est tout. Ça m'a inspiré pour l'EP et tout ça. Il y a une instru en commun, d'ailleurs. Tu sais. Ah. Eh ouais. Droit d'auteur. Voilà. Il n'y a pas de droit d'auteur, gros. Plus tard, les droits d'auteur. Déjà, on essaye et après, on paye si on peut. Déjà, voilà. Donc, moi, j'avais des questions, c'est assez simple. Vas-y. En dehors du rap, est-ce que mais tu vis attends, du rap attends, ouais, pardon. Avant tout, on n'a pas passé le premier son. Non, on n'a pas passé le premier son. Non, pas encore. Non, tranquille. Mais on discute là, gros. Avant de parler musique, je veux parler un peu du bonhomme, tu vois. Vas-y, merci déjà. Est-ce que tu vis de la musique ou est-ce que tu taffes? Est-ce que tu as des hobbies autres que le son? Yes, c'est pas mal comme question. Du coup, c'est assez original. Non, je plaisante, gros, je te clash. Je peux pas dire que je vis de la musique, je survis de la musique. Ok. Ça fait un moment que je fais ça. J'ai acheté un fonds de commerce il y a 5 ans. Ça a été le point de départ. Depuis 5 ans, je survis. Ça veut dire que je fais ce qu'il faut. Des lives, à droite à gauche, des photos. S'il faut taffer, je taffe, gros, tu vois. S'il faut retourner à l'intérim, on retourne à l'intérim. C'est comment ça se passe. Donc, il y a des moments où tu taffes, il y a des moments où tu fais du son. Et je préfère les moments où je fais du son. Donc là, depuis un an, je fais que du son. Okay. Voilà. Là, ça fait un an, je me lève tous les matins, je vais faire mon sport et je sais pourquoi je fais mon sport, c'est parce que je fais que du son. Ok. Tu vois, et ça me sert aussi, tu vois, pour les clips, les gestuels, tout ça. Mm-hmm. Tu sais, je suis breakdancer aussi à Besançon. Ok. Tu sais, j'ai fait des battles, tout ça. Mm-hmm. Même à l'époque de 360 degrés, là. Ouais. Il y avait Florian tout à l'heure qui traînait à Morapon avant, il y avait un bon gros crew de breakers. Les Diamonds. C'est ça ou pas? De breaker, on pas t'a dit. Pas du tout, mais le gars, tu vois, ça, c'est ce qu'on s'appelle un bide. Là. T'as entendu silence ou pas, non, maman, c'était pas vrai. Maman, c'est... Non, les Diamonds, ils sont pas mauvais, mais eux, tu sais, ils font de la tectonique, gros. Là, moi, je te parle de B-Boy, gros. 360 degrés, gros, c'était... Il y avait Bel Abbès, le grand frère à Abdelaziz. Exact. Et voilà. Il y avait César, tout ça, il y avait du monde à l'époque. Hein, gros. 360 degrés. Il y avait Sergio gros, aussi. Ça se peut que tu n'étais pas en France. Ça me dit que... Sergio, est-ce que tu as tes papiers en rescapé, tu vois. Ouais, ben rescapé, c'était après 360 degrés. Ouais, moi, je suis arrivé à rescapé. Ben voilà, mais rescapé, c'était déjà lourd. Bref, tout ça, c'est les sensei, quoi. Et on essaye d'honorer les sensei. Il y a Rizzo qui arrive là sur les ondes. En rien, mais tu ne sais. Mais à cette époque, tu étais encore en train de traverser, je crois. Tu étais dans l'eau. C'était dans ton petit... Bref. Ok, donc... Hey. Le son, il y a eu la danse. Ouais, il y a eu beaucoup de sport aussi. Parce okay. qu'avant, j'étais sportif de haut niveau. J'ai commencé le son assez tard, à 18 ans. C'est là que j'ai commencé à vraiment écouter de la musique. Okay. Sinon, avant, je faisais du judo en haut niveau. Okay. Donc, je faisais que ça. Clairement, la bulle, c'est une bulle, quoi, tu vois. D'accord. Mais pas de regrets, tu vois, parce que je prends le son comme une compète. Puis ça va vite et bien là, en ce moment, donc que ça continue, j'essaie de rester concentré. Et ben voilà, puis merci pour l'invite, parce que tu vois, c'est normal, la suite logique. Normal. Puis je t'ai dit, demain, il y a un live aussi, là, rue Berceau, voilà, au Gotham 25, ça va être lourd. Mais on prendra le temps d'en reparler plus tard, c'est pas envie. Vas-y, si tu veux, on fait une petite promo, après on en parle. On en parle plus tard. Yes. Est-ce que t'es un mec des films? Est-ce que t'es un mec des séries? Est-ce que t'es un mec des mangas? Est-ce que t'es pas le temps? En ce moment, pas le temps du tout. Si je regarde un film, c'est ce que je fais. Par contre, quand j'étais petit, si, manga à fond, gros, DBZ, il y avait pas le choix quand t'étais gosse. J'ai quand même maté les Miyazaki, je suis quand même quelqu'un de curieux, tu vois. Okay. Donc, manga, voilà, un minimum. Les films, plutôt old school, mais pas Hollywood et tout. Enfin, okay. Tu vois ce que je veux dire. Okay. Tu me parles du dernier film qui est sorti au cinéma, je regarde pas ça. Mais il y a des bons films, par contre, je prends le temps. Puis Netflix, pareil, pas trop. Okay. Game of Thrones, Breaking Bad, les grosses séries, histoire de pouvoir quand même un peu. Juste ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut. Ça fait pas de mal. Curieux, mais ce qu'il faut, quand même. Ça veut dire, je vais te parler de séries, tu les connaîtras jamais, malheureusement. Beaucoup de pollution aussi. Vous avez maté Oz, les gars? Bah, c'est vieux, hein. Ouais, c'est lourd, ça. Voilà, par exemple. Lourd de ouf. Par exemple, tu vois, moi, c'est. Référence totale. Voilà, bah, moi, j'avais lâché un teaser, c'était Oz. Mon premier teaser sur Internet, c'était du Oz, quoi, tu vois. Ose en français, c'est oser, quoi. Ça voulait dire pas mal aussi, quoi. Bref. Voilà. Si, si. Si, okay. Si, t'as capté. Je n'ai essayé perdu. Non, je vous écoute hein, pour l'instant. Si, si, t'as... Ouais. Normal, mais normal. Ça. Ok. Écoute, moi, je te propose de parler musique. Bien musicalement. Bien. Donc, je vais t'envoyer la première prod que tu nous as envoyée. Donc, pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent à peu près tous les jeudis, c'est la première fois qu'un mec vient et au lieu de diffuser ses sons, il va nous les faire en live. Surtout que la prod, elle a été faite avant-hier là. T'as vu, c'est la 1.5.7 que t'as. Okay. Moi, j'ai la 0.9 déjà sur mon ordi. On la peaufine, on la taffe. C'est avec un gars de Bezac que j'ai taffé ça, un petit jeune, Benoît. Un petit jeune très prometteur, vous allez écouter ça. Et je l'ai respecté en écrivant ce texte là ces deux derniers jours. Et voilà, je vous laisse écouter ça. Yes. Back to Black dans la 25e, on envoie directement le premier son. Hey, hey. Et big up à Benoît, c'est ça, hein? Big ouais, up à Benoît. Big up à Benoît. Pro... Vraiment, vraiment. Yeah. Big up. Hey. Chaque autre plaide me sous-estimer. S'te plaît, fais le mieux, je te laisse qu'un temps, un seul pour t'exprimer. Je le ferai pour tous ceux, tous ces bouseux qu'on laisse trimer. Me demande pas qui je suis, oh non, gaffe, faut qu'on reste privé. Qu'on me laisse respirer une épaisse fumée, tu négresse, on tue assez d'espèces. Même cette balle devrait se tirer, ouais, j'irai aussi loin que ce fou. Pas méchant, mais si besoin, je le ferai aussi bien que vous. Et ne moi, au vilain, je joue tout ce qui est facile et t'as les champs. Mal faire des choix, t'as les pires. Afin de fabriquer ta légende, tu devrais être vrai par l'écrit. Ne comprendront jamais qu'il fallait fuir, ils m'ont fermé la porte sans même attendre ce que j'allais dire. J'crie mon désespoir, ils en feront sûrement des histoires. J'pisserai partout pour qu'ils bougent de mon territoire. Fut-il ou dérisoire comme figé devant des miroirs. Le pigé avance, mec bizarre, obligé d'affronter le bizarre. Mais le cœur se réchauffe, ouais, hein. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses vraies. Casque et lunettes, j'ai arpenté le chemin. Ces coups enneigés demain sera peut-être plus léger, je le crains. Ton âme au service DG, subi les vices du DG. À quoi bon devenir VG, ces connards sont contre l'IVG. À genoux, tellement plus facile de lui lécher. De là je vous vois, pas si loin de la plage du déchet. On a eu l'occasion, on est faible. Poison au moins c'est faible, poison moi c'est faible. C'était qu'une façon de voir des événements. Si mettre à tort, forcément les lèvements. Solution et réponse souvent posées devant l'élément. Ah, posé devant les écrans, un acte banal et grand. Il n'a pas chaque à l'éperon qui est qui, donc chaque à se méprend. Comment compatir, je fais mon truc, les satires en s'attirant. Ici je m'échauffais pour ne pas partir en s'altirant. Malhonnête sont la tête couronnée, ils nous ont tout volé. Mon vœu serait de vous le donner, car le cœur se réchauffe, ouais. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses vraies. Ouais, le cœur se réchauffe, ouais, yeah. Au contact des choses, yeah. La 25ème, hein. Bab to Black dans la 25ème jusqu'à minuit. Bla, bla. Je laisse couler, hein. Ouais, ouais. Mais là, c'est le petit Benoît qui a fait ça. Le petit Benoît, il est jeune, 22 ans. Je le considère vraiment comme mon élève parce que je le fais taper dur. Très, très dur. En mode sportif, tu vois. Si, si. C'est pas un sportif à la base. Mais il commence à s'affûter. Sportif musical. Mentalement, physiquement, t'inquiète. Les deux vont ensemble. Si, si. C'est cool, il tape dur. Merci, Benoît. Jounès, est-ce que tu nous envoies un petit jingle avant de continuer? Allez, l'assassin. L'assassin. Big up à l'assassin. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Je suis revalidé votre projet, là. Si, si. Au passage, big up aux puristes. Au passage. Big up aux puristes qu'on lâche un gros, gros son, là, ces derniers temps. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Là, là ils ont fait le taf. Hein. Ils ont belle fait réalisation, hein. Ah, ça a fait le taf. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que Besançon n'était pas représenté en rap et tout, blablabla. Bla, bla. J'entends c'est des trucs comme vrai, ça. Ça façon, j'entends depuis, des trucs comme ça, depuis gros. Depuis très longtemps, frère, ça, et là, tu vois, ce genre de clip, gros, ça fait mentir tous ces gens, ils se reconnaîtront. Frère, même avant ce clip, de toute façon, c'est dit, ils mentaient déjà, je te dis direct. T'inquiète, gros. Besançon, ça fait minimum 5 à 6 ans, frère, que même, voire plus. Et on, mais il y a des, même des mecs de chez nous, frère, comme Junkie Philes, comme des anciens, frère. Ils ont mis la carte. Ils ont mis Besançon sur la carte du hip-hop, ya, frère, on était encore petits. Ouais, je sais bien, gros. Je sais bien, t'inquiète, t'inquiète. Junkie Philes, c'est ça, t'as dit? Ouais, ouais. Junkie Philes, wesh. Mais même à l'époque, hein, chez Tudo déjà, à l'époque, il y a des gens ouf hein, qui sont venus. Hein. Mais frère, y a, en fait, si tu y veux, y a du monde, hein, Besançon, ça a toujours été indirectement, même à l'extérieur. Les gens, Besançon, mais je te dis, ouais, à l'époque, après, il y a eu chez Tudo, frère, il y a eu plein de gens, en fait, oui, si oui, tu veux. Y a eu, oui, ça a tellement inondé que voilà, ouais, ceux qui disent ça, qui continuent. Ouais, ouais. Ah, ouais, je sais pas. Franchement, ceux qui disent ça, tu vois, qui taffent, faut taffer, tu vois. Mais vous l'avez fait, les gars, et c'est cool. Ça fait plaisir. Belle réalisation, le son est clean. Tu meurs, mon gros. Petit Chao qui apparaît à un moment, il est partout, le gars. De toute façon, il a compris. Moi, je suis là pour animer l'émission, hein, laissez-moi. Je suis pas rappeur ce soir. Pas tant que ça. Dis-moi. Vas-y. Là, si je te dis comme ça, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui ? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir brisé assez mon ego pour commencer à œuvrer pour la communauté. Voilà ma plus grande fierté aujourd'hui. Ok. Vraiment. Quand tu parles de communauté, tu parles de quelle communauté ? Du matin jusqu'au soir, l'autre, l'environnement, gros. Je me lève le matin, si je croise quelqu'un dans la galère, ça partit, tu vois. Etc. Ah, tu vois, de proche en proche. Là, ça fait quelques mois, j'arrive pas à boucler les fins de mois. Ben, on peut en parler après, Jounès, du coup. On peut en parler après, mais tu vois, moi, je vois que t'as déjà une belle montre. T'as une belle montre, j'ai pas de montre encore au poignet. Donc, encore des affaires d'un million. Non, mais si tu veux, je peux te montrer le bon coin. Tu sais, on met ta montre sur le bon coin, ça peut aller vite. Fais-moi un cuchet, c'est mieux. Vas-y, On parle après. Ok, plus grande fierté. Est-ce que t'as un gros regret dans ta vie comme ça, là, qui te viendrait en tête? Là, tout de suite, là, je pense à la famille, gros, direct. Direct. Et je te parle pas de la famille que je vois, et, alors qu'il y a déjà pas mal de regrets de ce côté-là. Je te parle de la famille que je vois pas. Parce que du coup, tu vois, Back to Black, ça veut dire blanc et noir. Et, tu vois, j'ai mon père au pays. Tu vois, faut faire les bails aussi là-bas. J'ai des grands frères, gros, je les ai à peine vus, tu vois. On s'est croisés 2-3 fois, tu vois, parce que mon frère, c'est le Zidane du skate. Tu vois, il s'appelle Bastien Salabandi, il est bien connu, tout ça. Il a beaucoup vécu aux États-Unis, il a fait son truc, tu vois, c'est bien. Tu vois, mais faut pas oublier la famille, tu vois. Nous, on s'est complètement zappé de ce côté-là. Okay. Vraiment. Et mon regret, c'est ça. Mais j'espère quand même commencer à prendre le temps, là, d'ici peu de temps, 2020-2021, tu vois, pour essayer de faire en sorte de bouger les choses. Yes. Tu vois. Yes. Voilà. Bon, on te le souhaite, hein. Merci, Larry. Yes. Attends. Quelle question j'avais pour toi? Il m'a troublé avec son histoire de famille. Ben, désolé, c'est la vérité. Tu vois, je peux pas mentir, c'est comme ça. Yes. Si, j'avais une question, c'est si t'avais deux défauts à sortir comme ça, tes deux plus gros défauts. Le premier, gros, c'est que même si j'ai de l'empathie, gros, tu sais, je suis un forceur, tu vois, gros. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux, ça veut dire que je suis obstiné, tu vois, c'est vous savez ce que ça veut dire, on est des chiens de la cave, gros, c'est on nous a tellement fermé les portes tu vois, c'est j'ai du mal, tu vois, j'ai du mal à me dire que c'est pas possible, en fait. J'ai vraiment du mal. Et ça c'est le côté judo aussi qui t'a rendu comme ça, ou quoi? Ouais, bien sûr. Ben gros, je me battais, j'avais 3 ans, gros. Ok. Puis j'ai, tu vois, je me battais pour être numéro 1, tu vois. Oula, là, on m'entend mieux, je pense, si je fais comme ça. On s'entend mieux. Ouais, du coup, je me battais pour être numéro 1, tu vois. Pas pour être numéro 2. Et c'est important d'apprendre à être numéro 2. Mais tu vois, c'est un truc, c'est en toi, c'est comme ça, tu vois. Okay. Y a pas, c'est le premier. C'est le deuxième. C'est que je me lève tôt. Je me lève tôt, gros. Ça, c'est le deuxième. Ah ouais, c'est un défaut, ça ? Ben, moi, je me lève à 4, 5, 6 heures du mat, tu vois. Puis du coup, le son, gros, moi, je commence mes journées avec du son. Donc, imagine, tu vois, là, quand tu vis avec moi, gros, ça commence à 5 heures du mat. Et j'essaye de partir doucement, je vais faire mon sport, mais je reviens, gros, je prends ma douche, tu sais, genre, j'essaye de faire discret, mais je me lève tôt. Enfin, c'est comme ça. Par contre, là, j'ai fait une petite sieste comme un papy, parce que là, 22h30, normalement, tu sais, je commence un peu à fatiguer, tu vois. Je suis comme toi, moi, je suis comme toi. Mais ça, c'est un peu relou. Fatigué de naissance, qu'est-ce que tu racontes ? Fake, toi. Non, mais tu sais, se lever vraiment tôt, ouais, non, pour les gens, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais pas 4h. 4h, c'est la bagarre. Lève-toi à 15h, toi. 4h, c'est la bagarre. Non, mais quand je dis 4h, j'abuse. C'est quand je me couche tôt, mais je vois le lever du soleil. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis dehors, je suis frais, je vois le lever du soleil. T'es dehors comme un fou. En train de courir comme ça? Pas comme un fou, mais tu sais, moi, gros, j'ai vécu un an en Guyane. Et franchement, la forêt, gros, ça m'a reconnecté avec pas mal de choses. Tu vois, maintenant, je me lève en même temps que le soleil, je me couche en même temps que le soleil. Ouais, tu vois, s'il faut que je retourne à l'intérim, mais travailler de nuit, ça va être dur, gros. Tu vois, donc je fais les bails pour apprécier le lever du soleil. Quand il se couche, je commence un peu à fatiguer. Mais le lendemain, gros, ça se lève tôt et ça fait les bails, tu vois. Ça, c'est un peu relou pour les gens, tu vois, qui disent non, le dimanche, on dort. Mais le dimanche, gros, c'est un jour comme un autre. On se lève, 5h du mat, c'est parti, tu vois. Ben ouais, gros, tu sais, c'est. Je sais pas. Y a, on aura le temps pour se reposer, non? Tu sais, ouais, toi-même, ouais, tu sais, ouais. Là, Chao. Ouais, c'est une manière de voir la vie, hein. Moi, le dimanche, c'est sacré, hein. Je dors fort. Ça te bat comme défaut, du coup, quoi. Tu dors ou ouais, tu ça, rentres, c'est bon. Ça peut être un défaut comme une qualité, en fait, hein. Ben, moi, je sais que ça pour beaucoup de gens, je l'impose comme un défaut. Ok. Tu vois, ça va avec le premier, tu vois. C'est en mode, on se lève tôt, c'est tout, tu sais. Après, c'est un rythme comme un autre. C'est un rythme, mais tu sais, ça impose le rythme, ou t'imposes ton rythme un peu quand même, un petit peu, malgré toi, tu vois. Parce que les gens, ils t'entendent, tu sais, même s'ils dorment, tu sais, ils entendent que ça bouge et tout, tu sais. Enfin bref, tu vois, bref, on va pas parler de ça pendant 1000 ans, t'as capté les bails. Deux qualités, du coup. Parce que là, tu nous as dit deux défauts. Ben, c'est je dirais les mêmes, mais du côté positif, du coup, tu vois. Être obstiné, tu vois, pas lâcher. Tu vois, mais pas lâcher, mais en ayant de l'empathie, gros. Ça veut dire que je vais pas faire le bâtard. Si je vois que je commence à toucher quelque chose de sensible en face, je vais pas m'obstiner. Je vais pas non plus en enfoiré, tu sais. J'ai quand même des valeurs. Après, mes valeurs, souvent, elles sont tirées du judo, tout ça. Et je sais que l'entraînement intensif, ça te met dans une bulle. Et je sais pas si tu peux en sortir vraiment un moment dans ta vie, tu vois. Ouais. Je sais que la plupart des gens que j'ai fréquentés à cette époque-là, qui étaient des gros sportifs, dans tout ce qu'ils font, ils vont au bout, quoi. Tu vois, je pense, je sais pas, à Jordan, un gars qui faisait du judo avec moi. Là, je l'ai vu faire du rugby. Après, là il fait quoi? Il fait du racing, il fait des courses de voitures, gros. Il est bon, il fait des podiums et tout, tu vois. Tu sais, c'est des gars, ils commencent un truc, ils vont au bout. Moi, j'ai commencé la musique, je me suis dit, je vais au bout. Au bout de 2 ans, je faisais déjà le fou à rapper alors que je savais pas rapper, tu vois. J'ai pris des bonnes claques dans la gueule. Et on prend le temps. Et aujourd'hui, je suis prêt à reprendre d'autres claques dans la gueule. C'est quoi pour toi le bout de la musique? Le bout de la musique? Ouais. Il y en a pas. Tu vas au bout. Ah, quand je dis je vais au bout, ouais. Moi, c'est mon énergie. Je parle de l'énergie. Après, le bout, moi, je sais pas. Je parle du mien, en tout cas. De mon énergie à moi. Mais ce qu'il y a. Enfin, j'imagine pas de limite à la musique, hein, gros, vraiment. Yes. Ok. On a dit une ou deux qualités, là? Ben, je te dis, ça va avec l'autre. Donc, il y avait obstiné, et puis il y avait le veto. Il y avait l'emploi du temps, l'organisation, gros. La deuxième, c'est ça, c'est l'organisation, mec. Okay. Je suis un gars, du coup, vu que je suis organisé, ça va bien. Tu vois, j'étais là peut-être une bonne demi-heure avant toi, t'as capté. Ouais, ouais. J'ai eu le temps de me prendre à manger, foot, boire. Moi, ben oui, mais toi, t'as eu une grosse organisation aussi, tu vois. T'étais là dans les temps et tout, t'as fait les bails, tu t'es même occupé de moi en arrivant, ça gère. Et tu vois, c'est cool. C'est bien d'être organisé. Bref, voilà. Deux défauts qui peuvent devenir des qualités. Quel âge t'as? J'ai 28 ans. 28? Ouais. Ok. Du coup, tu nous as parlé aussi un peu de ta famille au bled, tout ça. T'es de quelle origine? Congolaise, du coup. Brazzaville. Okay. Ouais, okay. C'est ça. République du Congo. Le petit Congo, tu vois. Ok. Ouais. C'est quoi, t'es 100% congolais ou... Non, regarde, je suis blanc. Voilà. Je sais pas, regarde, je suis blanc. Tout black. Voilà. Ouais. Donc, ouais, ma mère est de Besançon. D'accord. Okay. Elle est revenue enceinte ici, tu vois. Ok. Et parce que mon père est venu faire des études ici à la fac de Besançon, tu vois, comme beaucoup d'Africains tu vois, qui sont venus dans les années 80, voilà, bref. Ma mère, elle l'a rencontré là, elle est retournée un peu au bled, mais lui, il avait passé ses doctorats, il pouvait sauver son pays. Ok. Il a repris sa mission, tu vois. Ok. Ma mère, elle est rentrée enceinte, elle a élevé ses enfants seule, tu vois. Au passage, elle en a perdu un. Ok. Tu vois, ça, gros, c'est un truc, c'est toutes les mères vivent pas ça, tu vois, donc ça change des trucs aussi dans une vie. Et puis du coup, ben, elle a géré, tu vois. Je peux pas dire qu'elle a pas géré, parce que solo, c'est compliqué. Et voilà, donc ma mère Besançon, c'est pour ça que je suis là, gros. Et le père au bled qui essaie de s'en sortir, mais c'est compliqué. Voilà. Yes. Ok. Yes. Ok, une grande histoire. Hein. Bah, grande on histoire. A tous une grande histoire, je pense. Bien. T'as un frère, comment il s'appelle ton autre frère? Sur Besançon? Ouais. Il s'appelle Antoine Clément, lui, Antoine. Tu vois. Okay, bon. Ouais, c'est Antoine. Il y a des photos de lui sur ma page, c'est un blanc, tu vois, lui, par contre, parce que du coup, on a la même mère. Mais pas le même papa. Hein, on a été élevés par le même homme. Je crois que j'étais à l'école avec lui. C'est possible. À Trépillot, non? Ouais, à Trépillot. Moi, j'étais à Trépillot aussi. T'étais à Trépillot, toi aussi? J'étais à Trépillot aussi, gros. Ok. Ouais. Et t'es de quelle année, toi, du coup, Jounes? 92. Ouais, ben, il est de 92, gros. Vous étiez ensemble à Trépillot. Ok. Avec Amadouche, tout ça, non, la directrice. Ouais, non, mais t'inquiète, je me rappelle un peu des noms. Ça. Yes. Okay. Lourd? Fais de la boxe, mon frère. Là tout de suite là? Ben, là peut-être en ce moment, peut-être en ce moment. Là tout de suite à la radio là, comme ça. Là, il arrive. Non mais tu sais, sur ma page, il y a des gens qui vont voir sur Bab to Black ou même sur ma page perso, ils verront des photos d'un petit blanc sur un ring et tout. Ben, c'est mon petit frère. D'accord. Du coup tu vois, on entretient toujours, okay. Il est chaud. Il est chaud. Ok. Clément. Yes. Écoute, ce que je te propose, avant de passer dans les questions vraiment rap, argent. Musique, argent, ça c'est. The game. Def Jam. Def Jam. Je balance ton deuxième morceau. Vas-y, vas-y. En plus, c'est Omama. Attends, je vais te dire Omama, ça. C'est pas Omama, ouais, c'est ça. Si c'est Omama, c'est ça. Là. Aïe, ça va. Ça, ça tombe pile poil. Ah, on va dire ça, là, tu sais, il y a encore les émotions qui sont là. Je peux boire une petite gorgée là-dedans, d'ailleurs. C'est cool, c'est de l'eau. Ouais, c'est bon. Ça. Donc ce soir, Bob Too Black est là. Bien fait de demander. 22h minuit. Ouais, demande à Gore. Ouais, parce qu'il y a Gore qui est là. Ouais, il y a big aussi up à Gore, Flo qui est là. Il y a Joe qui est là. Ouais, big up aux gars qu'on n'entend pas et qu'on voit pas. Mais... Roche Novilla, on a signé, Roche Novilla. On arrive, la N3, on arrive. Bref, ça c'était le truc. Big up à Franfran. Big up à Franfran. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Elle est en quoi? Yes, t'es sérieux? Bisous maman, si tu m'écoutes, mais je sais que tu m'écoutes pas. Là, elle peut pas faire. Mais bisous, bisous. Elle est dans le cortège avec. Voilà. Hey, one, two, three, vive l'Algérie. Non, et par contre, t'es sérieux? C'est vraiment l'anniversaire de ta madre? Ouais. Putain, mais gros, le son là, je suis désolé d'avoir juré. Le son, mais écoute ça. Franchement, c'est même pour elle quoi. Écoute ça, maman. Si ah tu... Ouais. Mais tu m'écoutes pas, tranquille. Pose ton quad vite fait. Franchement. Vas-y. Bon, j'envoie directement au Mama Bab Too Black. L'émission la 25e, 22h minuit, radiosuite.net 101.8. Avant dis-moi que tout. Tu l'envoies, je suis désolé. Grosse dédicace au gars qui a fait ça quand même. Parce que c'est Freaky Joe Beat, c'est Jérémy. C'est mon gars sûr de Saint-Etienne. C'est avec lui que je bosse. Il m'a envoyé quasiment 300 instrus là en 2 mois. C'est un ouf. D'accord ? C'est un ouf. Jérémy, t'es un ouf. C'est cool, merci. Et c'est lui qui fait ça. Et Jérémy, okay. Je te dis, il m'a fait une... J'ai de quoi kicker pendant 10 ans là, ok ? Si, si. Voilà. Donc si, c'est, si. C'est juste un ouf. Vas-y, on note Jérémy. C'est ouais, Freaky Joe. Ah, notez les gars. Freaky Joe Beat, il est sur YouTube. Il y a tout. Il vous fait des. Mais c'est un ouf. C'est un ouf. Là, ça sert. Là, ça sert. Freaky Joe. Allez, c'est parti. Au Mama en live dans l'émission, la 25e. Ya, yeah, ya. Yeah. Hey. Big up, Mama. Hey. Hey. Oh, On n'a pas les mêmes idoles, on vient pas de la même cigogne. Je les vois lâcher prise quand ça devient chaud, moi je m'y colle. Habitude de pas gâcher, même un sourire quand je rigole. Tenir jusqu'au bout, même si j'ai le corps qui grogne. On n'a pas les mêmes idoles, on vient pas de la même cigogne. Tous les soirs à cogiter pendant que mes frères picolent. Je préfère m'isoler, j'en suis désolé. Là, j'ai des bails en cours, je peux pas les faire m'isoler. Oh, maman, pardonne-moi tous ces marathons à te faire du sang d'encre. Je dérivais comme ce bateau qui a perdu son encre. J'aurais déjà dû crever pas mal de fois. Ça donne pas mal de fois, pardonne-moi, je te ferai pas mal de fois. Oh, maman, plus j'avance, mais je comprends pas. Quoi t'es passé, né là où l'enfance est tracée. L'adolescence effacée, t'es levé seul en même temps que 2 enfants et t'as fait. Merci pour tout ce que t'as fait, je te remercie pour tout ce que t'as fait. Oh mama, mama. Oh mama, mama. Oh mama, wow. Oh mama, mama. Oh mama, oh mama. Connaître-vous, on vient pas du même chou. Je comptais embrasser le soleil jusqu'à plus sentir mes jours. Dégoûter de l'avoir écouté jusqu'à ce que j'échoue. Puis répéter mes couplets jusqu'à ce que je les shoot. Moi, pas connaître-vous, on vient pas du même chou. Posé sur les rives du Styx. Je la regarde dans les yeux car la mort me fixe. J'essaie d'être honnête, mais c'est putain. Qu'en penser, qu'en plan, c'est financer ce que tu niches. On a notre place aussi ici. Est-ce que tu piges? Pige. Eh, hey. Est-ce que pute pige? Pige. Yeah. Oh mama, mama, mama. Pour tout ce que t'as fait. T'as fait. Wow. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, c'était le live de Oh Mama Babtou Black dans la 25ème ce soir. Ben chaud, hein, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Donc, ça, maman, ça si tu m'as pas écouté, ben fallait m'écouter. Voilà. J'espère qu'elle t'a écouté, gros. J'espère qu'elle nous a entendu, vraiment. Bien, bien, un morceau, un bon petit morceau avec plein d'émotions. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais, j'essaie, je m'adapte. Je pense à ma comment ça s'appelle, à ma jante féminine, à la jante féminine, tu vois, à ma clientèle féminine, on va dire ça comme ça. La clientèle féminine. Ça, c'est les questions de Jounes. Ah, ben on ça, en parlera plus tard dans l'émission. Plus tard, plus tard. On garde ça pour. Note ça sur le Mac. Ouais. C'est ça. On pourra s'arranger d'ailleurs. Si t'es en manque de thunes, ça se vend bien le Mac, hein, gros. Hein. Non, change pas ton discours. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais la main sur le cœur, tout ça, blablabla. Et mais tu sais ce que ça veut dire, la main sur le cœur, c'est, ouais. C'est loin de la banque, c'est loin de la serrure, gros. Bah ouais. Tu vois, c'est loin de la serrure si du corps. Si ton cœur est à la banque, on peut s'arranger, tu vois. Ouais, à la banque du don d'organes, ouais. Moi, je donne mon cœur tous les jours. Ça se vend, À Genève, ouais, mais on ira en Suisse plus tard. Bref. Alors, moi, j'aimerais bien de la réponse tac au tac. Tac, tac. Comme ça. On se fait un ping-pong. Comme ça, si je te dis un album référence. Ouais, et là, j'ai Jazzy Bass qui vient, là. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Jazzy Bass ? Ouais. Jazzy Bass. Davy. Parce qu'il fait fait. Non, Jazzy Bass, je sais pas pourquoi. De référence, en fait. Ah, alors qu'il y en a plein que j'écoute, là, en ce moment, des trucs lourds. J'attends la Kekra, tout ça, là. Mais je sais pas pourquoi j'ai Jazzy Bass qui est sorti, quoi. Parce qu'en fait, ce gars-là, il m'a tellement influencé, tu sais, puis. Le personnage, tu vois, lui, il vit dans une ville, je sais plus où, il pleut tout le temps, comme Bezac et tout, le brouillard, il est habitué. Puis lui, ça a été un des premiers mecs, tu sais, qui m'a vraiment mis une claque au niveau de l'écriture, tu vois. Même en Van Gogh. Inspiration capillaire, peut-être, non ? Sûrement, j'aimais bien sa coupe de cheveux. Ouais. Ça se voit, tu t'es inspiré un peu. Quoi ? Big up. Pourquoi ? Non, mais il dit non. Jazzy Bass n'a pas de cheveux, en fait. Là, il, je sais pas de qui il parle. Soit il troll, voilà. soit il est bourré. C'est son job. Jeunesse, Jazzy Bass. Non, tu il vois bosse qui bien, c'est il bosse bien ça. Oui, c'est le roto. Oui, mais non, mais on abuse. Il a pas déjà Jazzy Bass. Si un jour tu nous entends, désolé pour avoir vanné le cheveu sur sans la main. Commentaire. Il a bossé déjà. Et ce gars-là, tu vois, s'il s'est sorti direct, franchement, allez écouter ses sons. Jazzy Bass, c'est au niveau du rap. Ouais, bref. C'est ton truc référence là. C'est ton album. Mais c'est pas un album. C'est pas un album. C'est quoi l'album référence là c'est Charles X. Charles X, un rappeur américain, on va dire ça comme ça, qui est produit par un label français. Il fait du 5000 vues sur YouTube, mais c'est un des meilleurs albums de rap. The Revolution is Another Day, un truc comme ça, nanana. Mais bref, ça s'appelle Charles X, album, vous mettez ça, meilleur album de rap que j'ai jamais entendu de ma vie. Okay. Voilà, ça c'est l'album du coup, au pire. Yes. Voilà, Charles X. Est-ce que t'as un morceau là du moment, genre que t'écoutes en boucle ? En boucle ? Ouais. Dernier son que crave. Ok. Light Out. Ok, ouais. Ah, ouais, celui-là, il a tourné le clip, tout. Si, si. C'est plus celui-là, mais celui-là, c'est le dernier là que j'ai écouté vraiment en boucle avec le son de Puris. Ok. C'est Minuit. Celui d'avant. Ouais, c'était celui d'avant. Yes. Franchement, il est tourné ce son là. Dernier clip où t'as pris une claque. Celui t'as regardé. Gagne-le. Non, bah du coup, pareil, Light Out. Mais du coup, au niveau des clips, non, en vrai, c'est Pete. Enfin, Dr. Pete, c'est un gars pas très connu. Et vous irez voir. J'ai pris une claque parce que c'est du clip amateur. Mais les gars, ils ont des idées de génie. En fait. Okay. Dr. Pete, c'est un pote à la 7-7. Okay. Je sais pas si vous connaissez aussi. Ça, c'est un. Qu'est-ce que t'appelles négatif. Clip amateur, toi parce clip que amateur. Les clips sont amateurs. Non, clip amateur, quand je dis clip amateur, c'est quand il y a trois gugus. Demande à PNL. Quand y a... Oui, voilà, c'est ça, demande à PNL. De PNL, ils mettent 150 000 dans un clip. Quand je dis clip amateur, c'est du trois potes qui prennent une feuille. On a quoi comme matos ? Ça commence par là. C'est la merde, on réfléchit à un scénar. On bricole, c'est ça. Moi, clip amateur, c'est trois mecs qui bricolent. C'est pas du PNL où à la fin, t'as 50 types minimum, rien que... Puis t'as 50, t'as 30 maquilleurs, gros, alors qu'ils tournent deux scènes, ils sont même pas sur la Tour Eiffel, gars. Il y a des gens, ils me disent des trucs, le clip de PNL, gros, tu sais, c'est du fond vert. Les gens, ils sont en mode, ah, c'était sur la Tour Eiffel. Non, ma copine, elle a un appart au Trocadéro, on aurait vu, tu vois, la Tour Eiffel, on la voit, ils étaient pas sur la Tour Eiffel, tu vois. Si, ils étaient dessus, mais ils ont fait du. Moi, j'ai vu les mecs qui ont fait les montages, tout ça, ils ont expliqué les montages. Est-ce qu'ils étaient faits en fond vert, est-ce qu'ils étaient pas faits en fond vert oui, mais... Le seul truc où ils y étaient pas. C'est quand tu les vois dans le tum-tum. Oui, ils sont dans le tum-tum, là, oui, tu oui, vois, ils sont dedans. Derrière les ça, c'est voilà. Du fond vert. Sinon, tout le reste, c'est de la Tour Eiffel, frère. Non. Attends, la scène, la scène où il y a une scène posée avec des projecteurs ça, et tout ça, pour toi c'est du vrai. Mais non, mais en fait si tu veux, moi j'étais moi des mecs qui t'expliquaient vraiment pourquoi ils étaient là. C'est en fait, t'avais des mecs c'est qui disaient ouais ils étaient pas là, et t'avais des mecs qui disaient ils étaient là. Mais si tu veux, c'était une bataille de monteurs de clips en fait. Non, mais c'est sérieux, mecs... tu me dis qu'ils ont posé vraiment un plateau de cinéma sur la Tour Eiffel. C'est pas un plateau de cinéma en fait qu'ils ont mis, c'est une scène, c'est une espèce de, on va dire, une... Tu prends ça, puis oui, tu multiplies par je sais pas combien. Oui, je vois. Frère, le clip, c'est combien l'a coûté? Oui, 150 000. RTZ. 200 000, frère. RTZ, ouais, tu peux éviter d'embrouiller nos invités, s'il te plaît, parce que là, la bah, c'est vrai que c'est vrai que ça. Non, mais c'est une bonne discussion. C'est ouais, discussion, mais en toute façon, il y aura du débat tout à l'heure. Non, mais c'est la grosse voix qui donne cet effet, c'est sa grosse voix. Ouais, mais il est pas violent, tu sais. T'imagines s'il disait. Tu peux rien. Et d'ailleurs, c'est cool parce que là, tu vois, princesse bientôt. Il a remis en doute la connerie que j'étais en train de dire, et je vais aller voir après l'émission, gros, parce qu'il a sûrement raison. Je te montrerai sur YouTube, je te donnerai le lien pour aller voir le mec qui explique ça, en fait. Avec plaisir. Parce que moi, tu vois, je crois plus rien. Je vois des clips, gros, je crois que je vois plus rien. Un rappel de mecs qui montent des clips. Ok, ok, ben mec, tu me fileras ça avec grand plaisir. Ouais, yes, donc je fais un résumé. Il y avait Jazzy Baz, Dr Pete, Charles X. Yes. Et c'est bon. Bah c'est déjà bon. Pas mal, franchement. Voilà, c'est des bon. Gars qui m'ont beaucoup influencé ces derniers temps, hein, vraiment. Yes. Aussi bien visuellement, tout ça, les délires, tout ça, bref, voilà. Ok. Puis Kekra, hein. Kekra, le Fa, tu vois, tous des gars comme ça là en ce moment. Luigi. Que Kra est chaud, mais non, mais ne dis pas des noms comme ça, s'il te plaît. Luigi, je te parle de gars qui taffent. Le gars, on m'a fait écouter ça quand je suis allé à Paris, j'y croyais pas, gros. Je croyais que c'était Mister V qui avait fait une vidéo, gros. Tu vois Mister V en a fait une. Non, mais bref. Ouais, bah ouais. Tu sais, la musique, ça part en couille. Bon. Excusez-moi à toutes les mamans qui nous écoutent ce soir. Tu vois, je te jure, des fois. Il parle de Kobalade. T'inquiète, ça a déjà été pire. Ouais, mais Kobalade, non, j'ai même pas envie de répéter son nom, tu vois, mais il y a des gars qui taffent, gros. Lui, là, tu vas pas me dire que c'est des clips amateurs qu'il fait, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il y connaît au clip, gros? Tu le vois dessiner un script, un storyboard, j'suis pas, tout ça? Je suis pas un pro Kobalade, j'ai dit ça juste pour voir... Pour lui faire de la pub, ça sème, Kobalade, ça sème, ça sème. Pour voir où était ton point de non-retour, en fait. Là, tu l'as dépassé, mais... Excusez-moi, Jeunesse, sinon j'ai des vraies questions à poser à notre invité. Ouais, merci. Parce que moi, je fais la promo de Tout Black. Merci. J'ai rien préparé, je suis là, laisse-moi. Non, moi j'avais des questions, c'est assez simple, on va partir de la base de base. Tu fais du rap depuis combien de temps là? 10 ans. Après, 10 ans. J'ai commencé à écrire quand je faisais des stages de judo à 10 ans. Donc ça fait 20 ans que j'écris là maintenant. Ok. Mais j'écris pour du rap, ouais, ça fait 10 ans. Mon premier texte, tu vois, en mode j'ai pris une feuille, un stylo et je me suis dit ça, je vais le faire écouter à des gens. Ok. Voilà. Avant c'était intime, pour moi faire du rap c'est quand t'écris, puis tu te dis je vais le faire écouter à des gens. T'écrivais quoi avant? Avant juste de faire du rap, ouais, juste des textes, des notes. Ouais. Tu sais, j'étais au Japon, tout ça, je bougeais beaucoup, tu vois. Donc le soir, tu sais, t'es solo, tu sais, t'as la gueule éclatée, gros. Prends-moi qu'un stylo et puis une feuille, t'as pas mangé, gros, t'es content de l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Parce que notre entraîneur, c'était un bon bâtard, tu vois. Et je sais qu'il nous écoutera pas ce soir. Et lui, tu vois, gros, il Big up David Douillet. Pense à toi. Non, c'était un bon David Douillet. Je dirais même pas son nom ce soir parce que ça me froisse, tu vois. Mais ouais, on était au Japon, gros. On avait faim, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était un gars, c'était tous les jours entraînement. Gros, on est sorti de l'avion, on était dans une salle de judo, décalage horaire, nique sa mère, tu vois. C'était pas les vacances, gros. Voilà pour rigoler, lui. Hein. Ouais. Il a des perles. Ah, gros, il voulait des champions, il a fait des champions, tu vois. Mais après, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les champions, gros? Bref, on va pas en parler ce soir. Bref. T'as une autre question, Chao? Bah, avant que Jounès y reparte, tu vois, tu sais, c'est ça. Non, mais lui, il est incroyable. Là, j'ai rien fait, là, je suis cool. Il est incroyable. Non, mais Chao, faut pas que tu lui laisses un espace de liberté. Je te jure, je crois que je vais couper ton micro. Non, mais il est calme, là. Je vais couper ton micro, il est 22h49, tu dis des âneries. Bah, pose tes questions. Non, t'as toujours été en solo ou t'as été aussi un peu genre en mode t'es dans un groupe ou pas? Ça c'est une question. Je suis un loup solitaire, gros. Ok. Il y a peu de personnes qui me connaissent, gros. Ok. Pas très peu de personnes qui me connaissent. Ça me fait d'autant plus plaisir, tu vois. Parce que là, tout de suite, si j'ai besoin, je déverrouille mon téléphone en mode avion. Il peut y avoir jusqu'à 5 mecs qui débarquent tout de suite, là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ces mecs-là, tu vois, il y a des femmes aussi dans le lot. On sait ce qu'on partage, tu vois ce que je veux dire? Ça a juste pas de prix. Donc non, je suis un loup solitaire, gros. Et j'ai rencontré d'autres loups solitaires qui on essaye de faire nos bails. Ouais, ça lutte. J'ai sorti un projet, gros, c'est lutter ou chuter. Et chuter, c'est pas tomber, hein. Chuter, c'est fermer sa gueule, tu vois. Soit tu luttes, toi tu la fermes, tu vois ce que je veux dire. Puis nous on a lutté quoi. Après on lutte tous les jours et on verra où on arrive quoi. Tu vois. Donc on va dire, vas-y, processus de carrière entre guillemets. Il y a 10 ans, tu commences un peu à te lancer dans le truc. Ouais. Est-ce que tu avais une ambition particulière par rapport au son? Est-ce que tu t'es dit, moi, dans 3 ans, je fais un projet, dans 2 semaines, je sors mon clip? Ou est-ce que tu t'es lancé un peu comme ça, sans filet? C'est marrant que tu me poses cette question, Chao, parce que tu vois, je te suis... Moi, je t'écoutais, gros, j'écoutais pas de rap. C'est simple, j'avais des potes qui t'écoutaient sur les Skyblog à l'époque et tout. On était tout jeunes, tu vois. Moi, j'écoutais tes sons déjà à l'époque. J'écoutais pas de rap, gros. J'écoutais même pas de rap. Et tu vois, en fait... Et c'était de la merde. Non, c'était pas de la merde. C'était pas de la merde, dis pas ça, gros. Ça t'a emmené là où t'es. Franchement, c'est cool, je change rien, gros. T'es où, là? Et bah, il est à la radio, gros. Il gère une émission de radio et sa mère, peut-être qu'il écoute là. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle beau. Est en roue à rire. C'est... Elle est en roue à rire en quoi? Il est devenu Fred. Avec Radio Sud à fond. Non, mais bref, tu me parles de mon parcours, gros. Ouais. Moi, j'ai essayé de pas faire l'imbécile. Ça veut dire que même si je l'ai beaucoup fait, ben, des gars comme toi, gros, je regardais leur évolution, tu vois. Je comprenais pas comment ils avaient pas percé. Et je me disais, tu vois, si un gars là, comme Chao à Besançon, il écrit comme ça, il se donne comme ça, nanana, il bosse, il machin, et truc, ça marche pas, fais différemment. J'ai vu tellement de gaffes. Et suivre. Non mais gros, je prends son exemple comme je prendrais celui de Gore, gros. Tu vois? Ça veut dire que Gore, lui, il a son chemin, il a son parcours, il a le sien. Je voulais surtout pas avoir une seule ligne qui ressemble à Gore, gros. Ni une seule ligne qui ressemble à Chao, ni une seule ligne qui ressemble à Rizzo. Tu vois, ça veut dire que là aujourd'hui, j'écoute des sons de rap. Je suis quand même un exemple. J'ai déjà entendu. Tu sais, je suis en mode, tiens, j'ai déjà entendu. Ah oui, non mais oui, ça c'est... C'est ça, quand je te dis, tu vois, un parcours, gros, c'est aussi dans les textes. Mmh. C'est aussi dans ce qu'ils disent, dans leurs valeurs. Et moi, quand je me ressens beaucoup dans les valeurs de Chao, tu vois, je me dis, c'est cool, on partage un truc en commun. Écoute son projet, parce que sinon, tu vas arriver un jour, tu vas faire un son, tu vas tomber sur un de ses sons, tu vas voir les mêmes punchlines et t'as envie de te mettre une claque. Vous avez déjà pris la même instru, là, déjà? C'est moi qui lui ai volé, gros. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, gros, ton son, il l'a touché. Bien sûr, gros. Okay. Ben, attends, gros, j'écoute assez de sons pour pas... Je te prends 3 pondes et je te paye pas. Non, on en a parlé, gros. Voilà, tu vois, bref, c'était un partage. C'était genre, moi, là, si tu me parles d'une ambition, d'un truc, moi, quand je te prends une prod comme ça, je me dis, gros, bah tout, monte cette prod dans l'air, fais des festivals, tout ça, trouve un billet un jour pour juste le filer à Chao pour qu'il vienne en live kicker ce son-là avec toi. Comme ça, on a déjà un son en commun, on n'a pas bossé, tu vois. Et ça, tu vois, ça, quand je fais ce son-là, c'est juste pour ça. Moi, si j'ai pris cet instru-là, c'est parce que tu m'as touché avec ton texte, la page. Chao, la page, allez écouter ça. On fait un pas de pub pour lui, hein, que pour l'assassin. Et du coup, tu vois, moi, j'ai écouté ce son-là, j'avais un son à la base, la prod, elle était exclusive que pour moi. Puis je me suis dit, gros, partage un peu, tu vois, Chao, et si ça fait si longtemps, tout ça, vas-y. Moi, je t'ai envoyé un message, je peux te prendre la prod, tac, tac, tac, c'est enregistré, Tudo, il a validé, on enregistre ça, et yes. Puis voilà. Exact. Et puis le pays, il commence comme ça, gros. Mais pourquoi vous avez pas fait un feat, en fait? Parce que je suis son manager aussi. Même pas le temps, gros. Il est à la radio, il fait du foot, il fait plein de trucs. T'inquiète, le jour où on devra faire un feat, gros, on le fera. De nourriture, toi. T'inquiète pas. RTZ, je te parle. Regarde, c'est même pas lui qui me ramène à Grey. T'inquiète, je t'arrange un feat. 10 000. 10 000 hein? Tu me donnes 10 000 pour j'ai un feat. J'ai dit 10 000 bah, tu me donnes 10 000 pour un feat avec Chao. T'inquiète, je t'arrange un feat. Ok, parce que j'allais dire 10 000, c'est pas assez, gros. 10 000. Non mais il parle en français CFA, ouais, en plus, ouais. Tu sais, il croit que je le connais pas. Le gars parle en français CFA, il croit qu'il va m'avoir. Ils font signer des contrats, les gars, et après ils enlèvent l'étiquette, c'était des français CFA. On connaît. Bah, tiens, mais les contrats, ils sont devant nous, gros, ils sont là, il y a des noms. C'est ton journal, ça? Mais moi, je me balade toujours avec mon journal, gros, tu sais. Mais non, c'était là avant. Il était posé, frère. Ça, c'est mon journal, par contre. Ok. T'as des vraies questions ou pas? Pour l'émission? Moi je suis là. Ok. Là je demande. Parce que c'est, tu vois, que j'envoie la suite quand même. Tu vois. Bah tiens, on parlait de feat. Les feats, est-ce que t'es ouvert? Est-ce que t'es fermé? Est-ce que si demain, la grande question de Jounès, il y a une question qu'on pose un peu à chaque acteur, à chaque invité. C'est la seule question qu'il prépare. T'es prêt ou pas? Attends, je me concentre parce que tu me fais beaucoup rire. T'as pété le jingle? Donc faut que je me concentre. Là, je vais te péter un gros jingle. Vas-y, fais le jingle. Gros jingle, s'il te plaît. Non. Non, c'est vrai, mais j'ai une réelle question. Ah, mais ok, moi j'attendais le jingle. Tu connais un peu le tissu local de rappeurs à Besançon, Franche-Comté, etc. Je les connais pas, mais je vois qui c'est, t'inquiète, d'accord. J'ai des infos et tout. Donc, ça. T'en as forcément un que tu trouves nul à chier, flingué sa mère. Oh, ouais. T'en as un. Ouais. Je te demande pas de dire de ah, pas. Ah non, parce que j'hésitais à le citer là, tu vois. Après Il a mordu gore à la joue. Mais voilà, c'est bon, c'est dit. Il t'a mordu à la joue un jour. On trouvera qui c'est, on trouvera ouais, qui mais c'est. T'inquiète. Non, moi t'inquiète, il sait qui c'est. Il y a même pas besoin. Ça lui ferait de la pub, gros. Gore, tu ça lui ferait de la pub. Bref, ce mec là, flingué, ouais. Là, il vient et dit bon, tout black. Ouais. J'aime bien ce que tu fais, viens, ouais. On fait un feat. Ouais. Je te donne 2000 balles. Tu y vas ou tu vas pas? Ben déjà, gros, il a même pas fini. Il peut même pas me proposer la somme parce qu'il va venir vers moi, il va dire yeah, salut, Bab tout black. Puis moi, je voulais dire. Silence en fait, qui es-tu, enfin, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu désires, enfin, tu vois, ça veut dire que même s'il a une mallette, ah ouais, même s'il a des billets partout sur lui, tu vois, je lui dis mais pourquoi tu me parles en fait, tu t'es vois comme, ce que je veux dire. T'es comme ça. Exactement, j'ai une putain de mémoire d'éléphant. Ah moi c'est balayage, mon j'ai une mémoire d'éléphant. Petite équipe. Ok. Tout va bien se passer. Je te répète un autre jingle, attends. Vas-y. Autre question, là je suis là, je suis le manager de Def Jam Besançon. Tu vois le label Def Jam. Bah oui, mais Def Jam Besançon, je le vois pas trop, ça sonne pas très très bien. Mais je suis déjà allé à Def Jam Paris, ça sonne mieux. On est en train d'ouvrir là. C'est dans la cave en bas. Déjà, quand c'est dans une cave, c'est pas bon. Quand c'est en haut d'un building, c'est mieux. T'inquiète. Je viens, je te dis, bon, Babtou Black, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu me dis Babtou, pareil, tu prends balayage. J'appelle Rizzo balayage. Et l'équipe. Toute l'équipe. Bon, c'est bien ce que tu fais, mais je te signe, pour 1 million, tu fais du cobaladé. 1 million, on y va ou on y va pas? Mais on y va pas, gros, tu comprends pas. Moi c'est pas... 1 million. Mais 1 million, mais pour faire du cobaladé, on y va pas. Tu comprends? Ça veut dire que le million, je répondrai au gars. Ouais. Dès que j'aurai fait mon million, j'en ferai 10 et je rachèterai ton label de merde où tu proposes de faire des merdes à des artistes talentueux. Tu vois, Luigi, gros, il est arrivé en studio, on lui a dit tu fais de la bombe. Mais tu sais quoi? Tu vas chanter du Johnny sur la trappe. On dit des trucs comme ça à des rappeurs, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas respecté, gros, mais même pour 1 milliard, gros, tu vois. Par contre, pour la paix dans le monde, je le fais direct. Pour la paix dans le monde, je fais des striptease dehors s'il faut, gros, il n'y a pas de souci. Waouh, on va créer un... on va créer un label pour la paix dans le monde. Vas-y. On va, ouais, vas-y. On va récolter des fonds. Ça, j'ai déjà fait UNICEF, tout ça, j'ai déjà travaillé. Tu ne touches rien. J'ai pas le droit de te toucher? Non. Maman, c'est pas moi. Autre question, Juju? Non, vas-y, je t'interromprai. Je vais t'interrompre quand je... Ok. Est-ce que t'as déjà fait des scènes un peu dans le coin ou ailleurs, en fait? Dans le coin, j'évite, parce que les gens, ils vont me reconnaître. Donc, ouais. Si, j'en ai fait quand même. La première scène que j'ai fait quand même de ma vie, c'était à Besançon, au SNB. Ok. Du coup, quand même, parce que j'ai quand même bossé à la base avec un gars de Besac, un pianiste, Romain. Très, très bon pianiste. Franchement, il m'a assez ému pour que je lui dise, gros, on bosse ensemble. Un loup solitaire aussi, futur chirurgien, il mène bien sa barque aussi, c'est bien. Mais bref, ce gars-là, on a fait un concert ensemble, ça s'est bien passé. Et au lieu de bosser dur, je me suis dit, j'ai fait un concert, c'est bon, fini. Tu vois, c'est genre, alors que non, tu sais, tu as fait un concert... C'était déjà un aboutissement à tes yeux et t'as laissé comme ça, quoi. Je sais pas ce que j'ai laissé, gros. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait un concert et que c'était bon. Parce que j'ai taffé dur pour ce concert-là. Mais un concert, j'ai oublié que c'était comme une compétition. Oh, je me mets là, gros. Parce que je sais pas si... Bref. C'est comme une compétition. C'est comme si, tu vois, tu fais aussi des sports de combat. C'est comme si un gars, il s'entraîne, tac, il fait sa compète. Puis tu le vois plus aux entraînements le lendemain. À quel moment tu fais ça, gros? Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le recul, je me suis dit que j'avais agi comme ça, en fait. Et ouais, donc là, ça a été le début. J'ai fait des scènes un peu dans le coin. Mais j'ai mis du temps, quoi. J'ai passé au moins 6 mois la flemme, tu vois, la flemme de, je sais pas, de faire ce que j'avais juste à faire, quoi. Mais après, c'est pas comme s'il y avait 15 000 scènes à l'année à Besançon aussi. Ouais, mais gros, franchement, à Besançon, si tu te bouges un peu le cul, il y a des bars, il y a des trucs. En fait, je sais pas comment dire. Il n'y a pas 15 000 scènes, mais si tu veux taper au moins 5 scènes dans l'été, tu peux. Ouais, dans l'été. Dans l'été, tu peux. Mais moi, je te dis ça, je faisais 2 scènes par an au début. Enfin, au